Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode supplémentaire au podcast. Vous le savez maintenant, hein, c'est une tradition qu'on a installée de longue date. Les épisodes de Tech Café hebdomadaires sortent le mardi soir et vous donnent une fenêtre assez complète de ce qui se passe dans le monde de la tech et de ses enjeux de société. Et puis dans les formats week-end, on est un petit peu plus sur des formats un peu plus cool en fait. On est moins stressé par l'actu, on prend le temps de développer un sujet ou de découvrir des nouvelles choses ou des nouvelles personnes. Et c'est ce que je vous propose avec cet épisode week-end où on va parler probablement d'un jeu que vous êtes nombreuses et nombreux à utiliser au quotidien. En tout cas, dans mon entourage, c'est devenu une vraie drogue, j'ai l'impression. On va en parler ensemble. Je suis accompagné de Jonathan qui a développé Sutom. Salut Jonathan. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment très cool. On va pouvoir échanger un petit peu ensemble derrière le jeu, derrière les implications. On va échanger sur tout ce qui tourne autour de Sutom. Peut-être pour rappeler avant tout aux gens qui découvriraient, ceux qui seraient allés sur une autre planète pendant quelques mois là, ces derniers temps et qui seraient un petit peu passés à côté de la plaque, peut-être qu'on peut en retoucher quelques mots rapidement, mais il faut savoir que Sutom, donc c'est un jeu que vous consultez hyper facilement, que ce soit sur votre mobile ou votre ordinateur. En fait, il suffit de taper Sutom, S-U-T-O-M, sur Google, et puis vous arrivez sur le nom de domaine sutom.nocle.fr, où tous les jours, vous avez un mot à deviner. J'ai pas deviné le mot du jour. Vous n'avez pas de compte à créer. C'est sans friction, sans artifices qu'on peut avoir habituellement dans les jeux, que ce soit sur mobile ou les jeux sur ordinateur. Un clavier et vous avez juste 6 tentatives pour tenter de deviner le mot du jour. On doit rendre à César ce qui lui appartient. On doit concéder, Jonathan, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais que Sutom est une émanation française d'un phénomène américain qui s'appelle Wordle, qui est donc en fait la même chose mais en version anglaise, donc pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, Sutom est l'émanation de Wordle en français, une des émanations en tout cas. Mais juste avant qu'on parle de tout ça, peut-être que ce serait intéressant, Jonathan, que tu nous dises tout simplement qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelle est ta formation, qu'est-ce qui t'a amené à développer un jeu sur mobile de ce type. Alors, donc moi, je suis dans la vraie vie, je suis développeur. Alors, je crois que mon nom de poste officiel, c'est analyste software, okay. qui fait cool, mais j'ai jamais su exactement ce que ça voulait dire. je travaille en fait chez un éditeur de logiciels où je développe des logiciels. Des fois je m'ennuie le week-end et du coup je fais des trucs et notamment Sutom, c'est parti d'un week-end de janvier où je me suis dit tiens, et si je faisais une version française de Wordle, puisque à l'époque il y en avait pas. Ouais. C'était donc pour replacer un peu, donc début janvier, Wordle commençait à arriver chez nous en France. Enfin, du moins moi je l'ai vu passer dans ma timeline Twitter vraiment tout début janvier. Mm-hmm. Et de là, j'y ai joué un petit peu et puis au bout de quelques jours, je fais quand même c'est sympa que ce soit en anglais, mais c'est pas ma langue maternelle. Maintenant, c'est le français. Et même si j'utilise l'anglais tous les jours au boulot, deviner des mots de 5 lettres, avoir la mécanique qui va bien pour du Wordle anglais, c'est un peu plus, ça demande un peu plus de travail. Je me suis dit, tiens, et si j'en faisais une version française? Ouais. Et du coup, moi, comme je suis aussi curieux, je commençais à rechercher à droite à gauche. J'ai vu que Wordle, en fait, se basait sur le Lingo. Parce que quand on compare Wordle et même tout ce qui est charte graphique de l'émission Lingo, hein, qui est un jeu télé aux États-Unis, au Royaume-Uni, aussi aux Pays-Bas et dans quelques autres pays. Mmh. En fait, j'ai vu que ça s'était adapté de cette émission-là. Et il faut savoir que dans les années 1990, le Lingo a eu une adaptation française qu'on appelle Motus. Bien sûr. Et du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, vu que Wordle est inspiré du Lingo, si j'en fais une version française, je vais m'inspirer de Motus. Et par inspiration, j'entends déjà reprendre un petit peu le code couleur qu'on a. Alors, le code couleur qu'on utilise, nous, en France, dans l'émission Motus, c'est le même code couleur de l'émission aux Pays-Bas. Ok, d'accord. Parce que en fait, l'émission Motus est adaptée de la version néerlandaise du Lingo, puisque en fait, aux Pays-Bas, ils ont changé les règles, et c'est cette version-là qui a donné la version française. Et y a des règles aussi un peu différentes du Wordle. Parce que Wordle, c'est toujours des mots de 5 lettres auxquels il faut définir les 5 lettres. Exact. Alors que Sutom, moi, j'ai repris la variante française qui est d'avoir un mot d'une longueur assez variable. Alors, j'ai pris entre 6 et 9 lettres, puisque cette version a existé en France. La toute dernière version, avant l'arrêt du jeu, c'était entre 7 et 10 lettres. Je me suis dit qu'entre 6 et 9 lettres, c'était peut-être un peu plus simple. Et j'ai aussi parti du principe que la première lettre était imposée, ce qui oblige à jouer légèrement différemment par rapport à Wordle, puisque Wordle, on est plus sur... en fait, on peut toujours commencer avec les mêmes mots d'ouverture, c'est-à-dire en fait les premiers mots, dès qu'on en a trouvé des bons, qui ont des lettres différentes, des lettres très utilisées, en fait, on peut les utiliser tous les jours. Alors que Sutom, ça oblige tous les jours à trouver... un mot d'ouverture différent. Après, il y a des joueurs qui connaissent par cœur les mots d'ouverture. les pros. En fait, oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est une technique qui était aussi utilisée dans l'émission de télévision, d'apprendre en fait une liste de mots d'ouverture, genre un mot qui commence par P, on va plus partir sur poulain ou poulaine, avec ou sans S, parce que ça donne plein de lettres différentes, par exemple, ça donne plein de voyelles. Et donc voilà, ça permet de faire un peu varier les plaisirs. Et du coup, donc c'était samedi 7 janvier, si je dis pas de bêtises, ou 8 janvier, quelque chose du genre. J'ai lancé un live Twitch, et puis je me suis dit, allez, on commence à coder. Et puis, au bout de quelques heures, j'avais déjà une première version jouable. Alors, on pouvait rentrer les mots. Ça, à l'époque, ça prenait des mots au hasard dans le dictionnaire. Et ça en proposait un, et puis c'est parti comme ça. Et j'ai fait le premier tweet. C'est en fait j'ai juste fait un tweet en disant voilà. Enfin j'ai même pas dit j'ai fait une version française. J'ai juste fait un tweet avec mon résultat de la partie. Et j'ai juste mis le lien en disant voilà bah, j'ai fait ce petit truc là. Et les gens qui me suivaient sur Twitter ont trouvé ça cool puisque il y avait pas de version française donc ils se sont mis à y jouer et à partager aussi. Et puis après c'est parti très très très très vite. Mais c'est ça qui est génial, je trouve, dans ces dispositifs. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas une réponse à une situation un peu sociétale. Il faut quand même souligner que donc ces jeux, de manière générale, Sutom en l'occurrence, mais Wordle ou d'autres émanations qu'on va rapidement évoquer peut-être plus tard tout à l'heure, mais ce sont des jeux extrêmement simples, comme je disais tout à l'heure. En gros, tu vas sur le site et t'as pas de compte à créer, t'as pas d'application à installer. Et en plus... c'est hyper simple à viraliser. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé le mot, le partage avec ce qui s'est passé dans ta partie avec la liste des emojis est absolument, je trouve, magistral. C'est-à-dire que la manière dont on partage le résultat d'une partie fait que on peut représenter avec les codes couleurs des emojis nos tentatives et la position à laquelle on est arrivé à trouver le mot. Et cet élément-là de viralisation, il est hyper fort et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à la visibilité peut-être de Sutom et de Wordle et des autres jeux, et en tout cas ça reflète bien ce que tu expliques. Mais il y a aussi la grande viralité, je trouve, à l'échelle humaine. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se recommande facilement à un entourage. Moi, je sais que j'ai dû partager ce jeu à des vrais humains sans passer par les réseaux sociaux, peut-être à une quinzaine de personnes. Et je pense que ces personnes-là, en échangeant avec elles, elles ont elles-mêmes viralisé le jeu, mais dans leur cercle proche, sans forcément parler de réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça qui plaît. C'est hyper facile de se lancer dedans et c'est très facile de le recommander à des proches. Et il y a un côté aussi, quelque part, rendez-vous de la journée. Là où on parle de la météo assez communément avec tout le monde chaque jour, bah finalement, on peut très très vite être amené à aborder le mot du jour sur Sutom. Je ne sais pas si mon analyse de la viralité et du succès du jeu sont pertinents pour toi. Je ne sais pas si tu en as un autre regard. Ouais. Alors, en, Alors, il y a ça, parce que c'est vrai que, alors, de ce que j'avais vu sur le Wordle original, au début, il n'y avait pas de partage d'emoji, hein, parce que pour l'histoire, c'est quelqu'un qui l'avait fait d'abord pour sa compagne, pendant Je ne sais pas si c'est une légende ou pas, ça. Est-ce que ça a été romancé ou pas? Enfin, Je ne sais pas, mais, disons que ça semble crédible qu'un développeur informatique fasse ça et pour quelqu'un de sa famille, pour quelqu'un qui lui est proche, et après qu'il l'a commencé à partager dans sa famille. Et de ce que j'ai vu, un des grands éléments qui a fait la viralité, comme tu le disais, c'est le partage en emoji, puisque c'est quelqu'un en fait qui jouait régulièrement à Wordle, qui a trouvé cette façon-là de partager qui permet à la fois de partager qu'est-ce qu'on a fait sans tout en évitant en fait aux autres personnes qui n'ont pas encore fait leur partie de pouvoir continuer à jouer. Parce qu'en fait, ça ne spoile rien du tout, ça spoile pas le mot du jour. Voire même, il y a des gens, une fois qu'ils ont trouvé le mot du jour, qui reviennent sur les emojis des autres pour dire « Ah, mais ce mot-là, je pense que t'as mis ça comme mot. » Et je trouve aussi que c'est une des forces du Wordle et du coup aussi du Suit-Up, c'est que il y a plusieurs façons de jouer. C'est qu'il n'y a pas vraiment... la règle de base, c'est il y a un mot et vous avez un nombre limité de possibilités pour le trouver. Mais j'ai remarqué, parce que j'ai reçu aussi pas mal de témoignages, je vois aussi dans mon entourage des gens qui y jouent. En fait, les gens, ils jouent un peu de la façon dont ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en mode « je vais essayer de le trouver le plus vite possible ». Il y a des gens qui vont être plus en mode « je vais essayer de le trouver en moins de coups possible ». Il y a des gens qui vont juste « ah bah je l'ai trouvé, je suis content ». Voilà, en fait, c'est des... En fait, les règles sont tellement larges que on peut les interpréter et en faire un petit peu ce qu'on veut. Et je pense que ça aussi, ça a aidé au fait que les gens ont bien accroché au jeu et continuent à y jouer encore aujourd'hui, quoi. Parce que je sais que j'ai eu des témoignages de personnes qui sont en entreprise et qui se font une petite compétition entre collègues pour savoir qui va trouver le mot du jour. Et maintenant j'ai dû rajouter un mode, il y a une option dans que pas beaucoup de monde connaît, mais il y a une option dans le panneau de configuration qui permet de rajouter un chronomètre qui affiche en excellent, fait le temps qu'on a mis. Il y a des gens qui m'ont envoyé, qui m'ont dit, nous on a fait un groupe WhatsApp ou Discord entre amis, entre familles, et ça nous sert de sujet de discussion ou d'excuse pour entamer la discussion. Après, j'ai aussi reçu des témoignages touchants où, par exemple, il y avait quelqu'un qui était un peu éloigné de sa mère. Et qui a perdu son père, qui est décédé, et qui m'a dit, en fait, Suit-Up, ça m'a permis de retisser le lien avec ma mère, parce qu'on avait un sujet de discussion, ça faisait des années qu'on se parlait plus, et quand il y a eu cette épreuve-là, j'ai senti le besoin de me rapprocher de ma mère pour pas être, pour la soutenir, et en fait, Suit-Up m'a aidé à faire ce lien-là, quoi. Donc, mais ça reflète bien ce que je constate et probablement beaucoup de personnes disent, c'est que cette histoire de groupe WhatsApp, clairement Messenger et compagnie, enfin moi j'en ai même plusieurs hein, avec plusieurs profils de personnes, et tous les jours je passe un temps important, tout est relatif, mais important, à partager les résultats de mes jeux dans ces différents groupes de discussion. Et je crois beaucoup, alors je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'habituellement dans Tech Café on parle pas forcément des approches ludiques et des implications que peuvent avoir les jeux dans les relations humaines, mais c'est vraiment un truc qui me marque de plus en plus ces derniers mois, ces dernières années, et surtout ces derniers mois, le lien que peut permettre le jeu de manière générale. Je suis un joueur de jeux de rôle par ailleurs, et j'aime beaucoup les préceptes qu'on peut entendre dans d'autres podcasts. Je vais citer rapidement La Cellule de Romaric Briand, où il met beaucoup en avant la vertu de sociabilisation et de création de liens sociaux avec le jeu en général. Et je crois que Suit-Up et ces jeux, de manière générale, sont l'exemple parfait de ce que peut être comme support d'échange, comme support de contact, comme lien, le jeu à travers des contacts de personnes. Et je pense qu'il serait sorti, ce jeu-là, en plein début de confinement. Je ne sais pas si ça aurait eu la même force et la même viralité. Paradoxalement, j'ai tendance à penser que oui, les confinements et le fait d'être tous coupés du monde et un peu à domicile, peut-être que ça aurait aidé. Mais finalement, je suis pas certain non plus. Et j'ai l'impression que si ça émerge maintenant, alors que les choses se sont un peu tassées localement d'un point de vue sanitaire, il y a peut-être aussi des raisons à ça. Enfin, j'en sais rien. Je laisse divaguer Peut-être. Hein, après, je pense que si c'était sorti avant le premier confinement, je pense pas que ça aurait pris autant. Je suis d'accord. Après, quand il y a eu le premier confinement, on a vu, enfin moi par exemple, je sais que dans mon environnement professionnel, ça s'est mis à faire des apéros en fin de semaine, des apéros virtuels où on démarrait un Teams et puis on discutait, alors parfois 30 minutes, parfois jusqu'au bout de la nuit. Mmh. Mais voilà, en fait, il y avait ce besoin de communication. Et maintenant que c'est le Covid, ça fait 2 ans, mais c'est pas encore terminé, mais on se voit moins. Moi par exemple, enfin moi je suis beaucoup en télétravail et j'ai moins de relations sociales qu'avant. Il y a quand même, je pense que le Covid a quand même permis de se rendre compte que mine de rien, on a besoin de communiquer. Et c'est vrai que des jeux comme ça peut aider. Plus que des jeux où si on prend n'importe quel jeu sur mobile où c'est je vais être un peu caricatural, mais quand il y a par exemple un Candy Crush ou quelque chose comme ça, c'est difficile d'en parler, quoi. C'est tu peux pas dire moi hier j'ai fait une partie à un moment, enfin voilà quoi, enfin c'est plus difficile d'en parler, alors que là on est sur un jeu simple. Je pense, cette notion de simplicité et cette notion de mot unique, je pense que ça aide aussi à avoir un sujet commun, de conversation commun. Complètement. Et qui permet en fait à ce que un enfant et son grand-parent puissent parler du même jeu, pareil quoi. Mmh. Ouais, je pense qu'effectivement le fait que ce soit le même mot pour tout le monde au même moment est effectivement une donnée clé dans la sociabilisation du truc, ça c'est clair. Alors du coup, peut-être qu'il y a plein de monde qui se pose la question. On va essayer d'en savoir un peu plus sur les coulisses. Comment ça fonctionne, Sitom, techniquement? J'allais dire comment tu l'as développé, comment il est mis à disposition. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi sur l'hébergement? Est-ce qu'aujourd'hui, un serveur tient la charge? Je ne sais pas quelle est la fréquentation du jeu chaque jour. Et puis, comment chaque mot du jour est choisi? Est-ce qu'il y a une recette secrète que tu vas nous dévoiler aujourd'hui? Ça. Alors, déjà, il faut savoir que le jeu est un jeu en open source. C'est-à-dire, ouais. En gros, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Hein, j'ai déjà fait d'autres projets et pareil, je les mets aussi en open source. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir le code source du jeu, voire même le prendre et l'adapter. Et on en parlera probablement tout à l'heure des versions dérivées de Sitom, puisque des gens ont pris le code source et puis l'ont adapté à leur sauce pour faire autre chose, quoi. Et du coup, sur l'hébergement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu fonctionne entièrement sur le navigateur. Ouais. Ça a plusieurs conséquences. Enfin, ça a un gros avantage. C'est que du coup, le serveur a, enfin, le fait d'aller sur le serveur pour récupérer le mot du jour, ça consomme que dalle. Et quand je dis que dalle, l'hébergement, c'est le serveur virtuel privé le moins cher d'OVH, okay. Qui supporte. Alors, je crois que on est maintenant aux alentours de 210 000 connexions par jour. Enfin, 210 000 chargements, en fait, pour être exact, c'est 210 000 chargements de mots par jour, puisque si vous revenez plusieurs fois sur le site, ça fait plusieurs chargements, mais vous rechargez pas le mot du jour. On est à peu près entre 200, 250 000, pour être large, visites par jour, quoi. Okay. Sur le serveur le plus bas de gamme d'OVH, je le rappelle. Mmh. Donc du coup ça implique des petites astuces. Donc tout le jeu tourne côté navigateur, c'est-à-dire que si vous allez c'est-à-dire que votre navigateur connaît le mot du jour au chargement du jeu. Parce que en fait, c'est votre navigateur, quand vous rentrez un mot, c'est le navigateur qui va calculer, ok, là je mets un carré rouge, là je mets un cercle bleu, un cercle jaune, et là je mets un carré bleu. Tout est dans le navigateur. Donc, du coup, des fois, alors ça c'est rigolo parce que des fois je reçois des DM de gens en disant, oui, alors je crois que j'ai trouvé un moyen de tricher à Suta. Ce à quoi je lui réponds, mais en fait, tu sais que si tu veux vraiment tricher, tu prends le tweet de quelqu'un d'autre, ouais. Tu copie-colles. Tu effaces les emojis pour faire genre t'as réussi en un coup et c'est gagné quoi. C'est un jeu où si tu veux gagner t'es même pas obligé de jouer. Ouais, c'est ça qui est assez sympa. Mais du coup voilà, c'était une volonté de ma part que ce soit côté client, ce qui fait aussi que de fait j'ai pas de statistiques à proprement parler sur le jeu. Le nombre de visites, ça c'est les statistiques du serveur, hein, puisque quand on a un serveur, on a des stats. Mais j'ai pas, par exemple, le nombre de parties réellement jouées, le nombre de parties qui sont pas arrivées jusqu'à la fin, le nombre de coups moyens ou ce genre de choses. Ce qui a pas empêché quelqu'un que je connais, qui s'appelle Azerty774 sur Twitter. Enchanté. C'est quelqu'un de très sympa qui est statisticien et qui a fait notamment un compte qui s'appelle Sutomstat et qui en fait ce compte va regarder sur Twitter toutes les parties qui sont publiées par jour et de là ça en fait des stats. Excellent. Et du coup ça permet de savoir est-ce que le mot enfin quel est le nombre de coups moyens pour ce mot, est-ce qu'il a été réussi facilement ou au contraire plus difficilement, ce genre d'information quoi. Et je crois qu'on est à peu près en ce moment à environ 2000 parties publiées par jour, donc versus 200 à 250 000 parties jouées, hein, mais je pense que ça reste un échantillon assez représentatif. Ouais, alors, j'imagine. On peut facilement imaginer qu'il y ait des biais entre les gens qui par exemple se font spoiler le mot, vont jouer, ils vont publier leur partie alors que comme ils connaissaient déjà le mot, ils l'auraient essayé 100 000 fois, et inversement les gens qui ratent le mot du jour et qui vont pas forcément publier le fait qu'ils ont raté carrément. Mais voilà, on peut avoir des biais comme ça. Sur le mot, comment sont choisis les mots à trouver? C'est comme le Coca-Cola. Est-ce qu'il y a une recette que tu vas pas vouloir nous dévoiler? Non, mais sûr, on peut la dévoiler puisque en fait la recette est simple. Alors déjà, les mots sont choisis à la main. À la toute base, dans la toute première version, les mots étaient choisis dans le dictionnaire des mots jouables. Et rapidement, quelqu'un m'a fait remarquer que ça pouvait poser problème. C'est-à-dire que parfois, on tombait sur un mot. Je crois que le tout premier mot était un verbe conjugué. On pouvait trouver sur les mots pluriels. En fait, un mot pluriel, généralement, ça termine par S. Du coup, en fait, ça fait une lettre, entre guillemets, facile à trouver. Donc, c'est moins fun. On aurait pu tomber sur des insultes. C'est pas arrivé, mais on aurait pu. Du coup, quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, également sur Twitter, Emmanuel... SPV, lui, il m'a préparé une liste de mots. Donc maintenant, il y en a actuellement 600. Okay. Et donc, il fait une liste de mots qui est donnée au système. Par contre, c'est le système qui choisit aléatoirement un mot dedans. Alors, en choisissant, on va éviter, par exemple, d'avoir deux jours de suite un mot qui commence par la même lettre. Ok, oui. Alors, en fait, c'est même pire que ça. C'est sur les cinq derniers jours, normalement, on tombe pas sur deux fois la même première lettre. D'un jour à l'autre, c'est jamais la même longueur du mot. Après, ça, c'est des petites règles qu'on a rajoutées petit à petit. Et lui, Emmanuel, en gros, lui, pour choisir les mots, il va partir... alors, on évite les mots conjugués, on évite les variantes des mots, ou du moins, on en met très peu. Donc, par variante, c'est-à-dire le mot quand il est au pluriel, ou le mot quand il est au féminin, quand c'est un féminin simple, ou c'est juste, on rajoute un « e » à la fin. Ça, on va éviter. On évite les participes passés en EES ou ce genre de choses. Et après, lui, je sais qu'il aime bien aller dans les mots qui sont un peu... il y a des mots purement aléatoires dedans, mais il y a aussi des mots qui sont un petit peu adaptés pour les jeux de lettres. Typiquement, il n'y a pas si longtemps, il y avait le mot longtemps. Et en fait, le mot longtemps, bah, c'est une forme, enfin, un enchaînement de lettres qui est plutôt rare en français. Ah. Et du coup, ça oblige à se creuser un peu plus les méninges qu'un mot où est-ce qu'on aurait un truc un peu plus simple, quoi. Donc, il essaye de, voilà, de prendre ces enchaînements-là un peu rares. Après, des fois, il choisit des mots. Alors, généralement, je reconnais tout de suite ces mots-là. Il y a des mots qui sont, entre guillemets, un peu plus de l'argot ou, Il y en a eu un entre il n'y a guillemets. pas longtemps qui m'a Ouais. beaucoup marqué comme ça. Je ne sais plus lequel c'était, il ne me revient pas, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, bah, des fois, par exemple, une fois, il y avait le mot biclou. Alors, Oui, le exact. biclou que les gens connaissent pas, mais au Québec, ils connaissent encore moins. Donc, Ouais. du coup, alors généralement, quand c'est un mot comme ça, j'ai des Québécois qui m'envoient des DM en disant, ouais, mais ton mot, il est vraiment franco-français. Ouais, bien Nous, on peut sûr. pas le trouver, machin truc. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, sur biclou, j'ai eu des Français qui font, non, mais t'es sûr que ton mot, il est dans le dictionnaire? Mais voilà. Ou alors, il y avait par exemple le mot gadget. Ouais. Mot qui ben, j'ai des gens qui me disent bah ouais mais ton mot il est pas français il est anglais et quand tu leur Penalty fais aussi, il y avait eu, je crois, hein, il y d'ailleurs. avait penalty mais en fait c'est des mots qui sont dans la langue française. Alors après on peut lancer tout un débat de plusieurs heures sur comment est construit un dictionnaire, Ouais, c'est c'est pas quoi un mot, voilà, le mais voililà, en fait il y a ce genre de problématique là qui est aussi, bah après une des problématiques que j'ai eues sur le jeu aussi, c'est comment trouver un bon dictionnaire. Là on utilise le dictionnaire de Gramalect, qui est d'ailleurs une extension que vous pouvez installer sur les navigateurs ou sur les traitements de texte, qui permet de faire de la correction orthographique, syntaxique, et ainsi de suite, mais vraiment spécialisé sur le français. Et du coup, eux, ils mettent à disposition leur dictionnaire, et du coup, nous, c'est ce qu'on utilise sur Sutom pour avoir quelque chose qui permet d'avoir quelque chose d'assez représentatif. Même si, bah, par exemple, il y a quelques jours, il y a des gens qui m'ont fait, oui, alors le mot Triforce, il n'est pas dans ton dico. Alors, après, c'est toujours ça. C'est quand est-ce qu'un mot doit être dans le dico ou pas? Je crois qu'il y avait Bipod, qui fait partie de l'univers de Star Wars, n'est pas dans le dictionnaire, par exemple. C'est un sujet assez large dans lequel effectivement, j'imagine, tu peux très très vite tomber dans des polémiques. À ce sujet, il y a d'ailleurs des très très belles vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Linguisticae, qu'on pourra mettre dans les notes de l'épisode que tu connais visiblement. Mais il avait d'ailleurs fait une vidéo en réaction à l'arrivée du pronom iel dans le dictionnaire. Et il expliquait dans la vidéo à quel point le fait de rentrer dans un dictionnaire n'était pas forcément représentatif des usages qu'on voulait imposer ou qui étaient constatés, mais que c'était aussi un certain arbitrage qui était fait. Donc, même le choix du dictionnaire lui-même sur l'intégration des mots est sujet à beaucoup de discussions. Donc, j'imagine effectivement l'utilisation par Sutom d'un dictionnaire ou d'une autre source de mots peut effectivement être sujet à polémique. Bon, tant que tout le monde est bienveillant et ne tombe Oui, pas dans c'est ça. l'insulte, ça va, ça reste bon esprit. Excellent. On va parler de quelque chose qui tourne autour du jeu, mais qui me paraissait assez intéressant d'aborder ensemble, Jonathan. Alors, on doit aborder aussi ce qui s'est passé pour Wordle, puisque Wordle a eu une fin, j'allais dire, heureuse sur le plan financier, dans le sens où le New York Times a racheté le jeu Wordle. Bon, on ne sait pas le montant. Il y a des chiffres qui ont été évoqués, qui sont de l'ordre du million de dollars. On n'a aucune idée précise de combien ça a été racheté. En tout cas, ils ont été rachetés par New York Times, et c'est un mouvement assez intéressant à mettre en parallèle de ce qui s'est passé en France, puisque comme tu l'as dit, toi, tu t'es appuyé sur la charte graphique de Motus, d'ailleurs le nom lui-même évoque évidemment Motus, mais coup de tonnerre, alors je te le cache pas, ça a été source de beaucoup de tristesse auprès de ma maman, auprès de certains amis, même auprès de moi-même, à l'idée que ça puisse disparaître, parce que tu as pris la parole sur Twitter un matin en disant, bon bah voilà, j'ai eu des infos, en gros, il va falloir suspendre le jeu, suspendre aussi le code source. Donc, on sent quand même que ça allait assez loin. Et c'est bête à dire, parce qu'il y a encore une fois plein d'autres manifestations de ce type d'adaptation de jeu qui ne sont pas les tiennes et avec plein de variantes possibles, qu'on va évoquer rapidement encore une fois tout à l'heure. Mais Bah, je sais pas, une fois que t'es attaché à ce type de mot, une fois que t'as aussi la communauté des différents joueurs et tes proches qui sont sur le même mot et sur le même service, bah, quelque part, c'est compliqué de trouver une alternative sur laquelle tout le monde va retrouver la même adhésion. Donc, je pense que ça a occasionné vachement de tristesse. Et puis, bon, fin heureuse au bout de quelques jours derrière, il semblerait que vous ayez trouvé une issue favorable à cette situation. Alors, je sais pas, jusqu'où tu vas pouvoir aller dans les infos que tu vas pouvoir nous donner sur ce qui s'est passé. Je te laisse carte blanche, évidemment, mais... Oui, bah, alors, pour être tout à fait clair sur ce qui s'est passé, un vendredi, je reçois une lettre recommandée avec accusé de réception d'un cabinet d'avocats, qui se trouve être le cabinet d'avocats de France Télévisions, qui me contactait en tant qu'éditeur du site sutom.noc.fr, parce que juridiquement, je suis responsable parce que j'héberge le jeu, pas parce que j'écris le jeu, mais parce que je l'héberge, et qui me demande de ne plus utiliser le nom Sutom, parce que ça peut contrefaire la marque Motus. Oui, parce que, alors, des gens l'ont pas forcément remarqué, mais Sutom, c'est Motus à l'envers. Moi, je l'ai pas compris au premier coup, mais une fois que tu l'as vu, c'est évident. Il y a plein de gens qui l'avaient pas compris. Et du coup, donc, qui me donnaient 15 jours pour changer de nom. Et donc, moi, je regarde un peu, je me dis que quand même, c'est un peu relou. Et moi, je suis quelqu'un toujours dans la discussion. J'envoie un mail à l'avocat le soir même pour demander est-ce qu'il y a possibilité de discuter avec sa cliente, puisque en fait, dans l'article du code de propriété intellectuelle qui me cite, en fait, c'est bien écrit sauf autorisation express du titulaire de la marque. Ok. Donc, j'envoie un mail. Au bout de 10 jours, j'ai une réponse en disant « Mais non, mais ma cliente ne veut juste uniquement que vous changiez le nom. Et dans ce cas, et en fait, tout ira bien, quoi. » Et en fait, je réfléchis, j'en parle un petit peu autour de moi. Et en fait, rapidement, je vois qu'ils sont pas ouverts à la discussion. Là, on m'embête sur le nom, mais en vrai, j'ai même pas aussi les contours. C'est-à-dire, est-ce que juste changer le nom, ça suffit? Est-ce que changer une lettre, je change l'adresse? Est-ce que j'ai le droit de faire une redirection entre l'ancienne adresse vers la nouvelle adresse? Tu vois, ce genre de truc-là, j'ai pas les infos. Ils ont rien dit sur la charte graphique et sur la charte sonore, mais peut-être qu'ils pourraient venir me faire chier au-delà. À ce stade, il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont peut-être étonnées quand tu parles de charte sonore, mais oui, il y a un petit haut-parleur en haut à droite qui vous permet de mettre le son qui est évidemment assez évocateur quand on connaît Motus. Oui. Et encore, j'ai des gens qui me demandent d'avoir le son final une fois qu'on a trouvé le mot. Je le fais très mal, pardon. Et du coup, en fait, comme je vois qu'ils sont pas ouverts à la discussion, en fait, moi, de mon point de vue, c'est ok, c'était un projet perso. Le but, à la base, c'était pas qu'il y ait plus de 200 000 joueurs par jour. Moi, j'ai juste fait ça pour m'amuser. C'était cool. C'était une bonne aventure. J'ai pas envie que ça rentre dans des affaires judiciaires ou autre chose. Je vais fermer le truc, quoi. Tout simplement. Et voilà. Bon, entre guillemets, je fais un peu le deuil. Mais voilà. Et puis, toujours dans la logique de transparence, je me dis, je vais faire un thread où je vais expliquer de façon calme. Le but, c'était absolument pas que tout le monde se retourne contre France Télévisions en disant, Delphine Ternotte d'émission ou ce genre de choses. Et, je l'ai vu passer. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je précise bien dans le thread que à aucun moment on m'a demandé de fermer. C'est une décision personnelle que j'ai prise de fermer. Idem sur le code source. C'était juste pour être tranquille. Et alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, ça a commencé à faire pas mal de bruit. J'ai eu des journalistes qui m'ont rapidement contacté pour me demander... Pour avoir une petite interview. Et les journalistes faisant bien leur travail, en fait, ils demandent à la partie adverse un droit de réponse. Donc du coup, chez France Télévisions, le téléphone a pas mal sonné. En plus des faits que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui les ont interpellés. Et ils surveillent en plus. Ouais, et en fait, à la fin, je reçois le coup de téléphone de quelqu'un qui est très très haut placé chez France Télévisions en disant, mais vous inquiétez pas, vous pouvez garder le nom tel quel, il n'y a pas de souci. Et du coup, après, juste derrière, moi, j'ai fait un tweet en disant, c'était bon, les discussions ont commencé, et ainsi de suite. Ok. Voilà comment ça s'est terminé. Maintenant, bah, on est rentré en discussion. Les discussions, c'est toujours très long. Je peux malheureusement pas en dire grand-chose de plus. Mais voilà, enfin, Ouais, tout est bien qui finit bien. Même si je comprends que pour les gens, enfin, j'ai reçu, enfin, la journée du jeudi où est-ce que j'ai fait mon thread, mes mentions Twitter et mes DM Twitter ne ressemblaient plus à rien. Hein. Moi, j'avais mon téléphone, il sonnait toutes les 3 secondes. bien sûr. Mais oui, après, je peux comprendre, parce que moi, j'ai eu, alors personnellement, moi, j'ai vécu la fin de la chaîne No Life, c'était en 2018, qui était une chaîne de télé auquel j'étais beaucoup attaché, en fait, qui a fait aussi une bonne partie de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte. Et durant la fin de la chaîne, je crois que c'était le directeur des programmes techniques, Cyril Lambin, qui disait qu'en fait, le plus dur à l'arrêt de la chaîne, c'était pas pour les salariés, parce que eux, ils savaient que tôt ou tard, ça allait arriver, cette fermeture. Mais en fait, c'était pour les téléspectateurs qui, en fait, devaient accepter le fait que la chaîne allait finir, que c'était comme ça et qu'on pouvait rien y faire. Et c'est à peu près ce que aussi ce jour-là ce que j'ai eu, c'est en fait moi quand j'ai reçu la lettre d'avocat, bah moi j'avais au bout d'un moment bah je quand j'ai pris la décision, bah j'ai accepté le fait que bah ça se terminait, voilà, bon, c'était dommage, voilà le truc. Alors que pour les gens quand ils ont découvert ça, bah oui, ça leur a fait un déchirement, quoi. Bah, si on met ça en rapport de la sociabilisation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'autant plus compréhensible, forcément. Et j'imagine qu'effectivement, quelque part, ce type de dispositif, dans l'ère de l'information et de la viralisation telle qu'on la vit aujourd'hui, bah, finalement, Sutom, c'est presque moins ton bébé que le bébé de. Alors oui, c'est ton bébé techniquement, c'est toi qui l'a mis en ligne, mais on se rend compte que c'est aussi beaucoup le bébé de toute une communauté qui se l'est approprié. Donc, bah, c'est intéressant à observer, quoi. Et c'est une communauté aussi qui me donne aussi des idées, qui m'encourage, entre guillemets, qui me motive à améliorer le jeu. Parce que typiquement, en tout premier, il n'y avait pas de clavier. C'est-à-dire, en fait, on avait juste un champ texte, pouvait proposer une proposition, il y avait un bouton OK, et puis ça envoyait. Et rapidement, on m'a dit, ah oui, mais on aimerait bien avoir un clavier parce que ça nous aide. Du coup, j'ai rajouté clavier. Pareil pour les sons. Un des trucs, c'est bah, les gens, ils m'ont demandé les sons. Et puis au bout d'un moment, j'ai rajouté les sons. Du coup, parce que j'ai un petit thread avec toutes les nouveautés que je mets sur Sutom quand j'en pousse. J'ai mis à ce moment-là ajout d'un bouton pour passer les sons de votre tête à vos haut-parleurs. Excellent. Voilà. Et en fait, tu vois, c'est ce genre de petits trucs-là qui font avancer, même si après, on rentre aussi dans des problématiques de comment on gère un projet libre, puisque bah, comme chacun peut proposer, en fait, moi, je suis un petit peu je vais pas dire le méchant, mais celui qui va prendre des décisions et celui qui va, tu vois, c'est moi qui dois aussi décider en disant, OK, les gens veulent cette idée, mais moi, je pense pas que ce soit une bonne idée pour telle ou telle raison. Tout à l'heure, on parlait du chrono, il y a eu des discussions dans le dépôt et les gens étaient contre le fait d'avoir un chrono parce qu'ils trouvaient que ça pouvait défigurer le jeu, stresser les gens et ainsi de suite. Et la solution que j'ai trouvée, c'est que le chrono, bah, il est désactivé par défaut et il est activable dans le panneau de configuration. Mais voilà, tu vois, c'est faire des choix et ça va au-delà du développement en tant que tel. Mais oui, Sutom, ça m'appartient. J'ai envie de dire juridiquement, c'est moi qui les emmerde juridiques. Mais ça appartient aussi aux joueurs qui se l'approprient, qui jouent comme ils l'entendent, quoi. Je pense que d'ailleurs, hein, la mise en place d'évolution sous la forme d'options, c'est probablement la meilleure idée possible. Bon, le clavier, ça paraît tellement aujourd'hui évident qu'on ne voit pas trop comment on pourrait s'en passer. Puis c'est vraiment une aide à la réflexion, hein, du coup, donc ça a vraiment beaucoup de sens. D'ailleurs, il y aurait des parallèles à faire. Hein, loin de moi l'idée de vouloir comparer Sutom et iOS, par exemple, de la part d'Apple, mais c'est vrai qu'on pourrait reprocher assez souvent de la part d'Apple de ne pas mettre à disposition certaines fonctionnalités qui paraissent évidentes dans l'ouverture, bon, même si ça a beaucoup changé dans les dernières versions, mais quand ils le mettent en place, ils le mettent en place aussi sous la forme d'options. Je pense que c'est une bonne optique, c'est une bonne stratégie que de ne pas imposer à tout le monde les évolutions. Est-ce que justement t'as d'autres évolutions dans les tuyaux? Est-ce que t'as des choses qui te sont remontées souvent et tu sais qu'elles ne seront jamais implémentées dans un truc comme Sutom? Probablement le prochain truc que je vais faire, parce que c'est quelque chose qui m'a été remonté, et aussi personnellement en tant que joueur, c'est quelque chose qui pourrait m'aider, c'est de rajouter un bouton point sur le clavier qui permettrait de faire des points. Ah oui, c'est vrai, pour saisir le mot, mais zapper une lettre qu'on ne sait pas encore. C'est ça, parce qu'en fait, les gens, généralement, ils mettent des X. Mais en fait, je pourrais juste rajouter un bouton point, et puis ça permettrait de faire des points. Excellent. Alors, mais ça, pareil, c'est quelque chose que je faisais beaucoup au début, quand le jeu est sorti. C'est en fait, j'allais sur Twitter et je regardais ce que les gens disaient sur le jeu. Et comme ça, en fait, ça fait énormément de retours utilisateurs, surtout au début, parce que maintenant le jeu est bien installé et puis les gens ont arrêté de râler et puis j'ai implémenté des trucs. Mais ça me permet d'avoir des retours utilisateurs qui me permettent après de faire des décisions comme ça, quoi. Mais c'est comme il y a quelque chose qu'on m'avait dit, c'est quand les Québécois ont commencé à jouer, il y a quelqu'un qui m'a fait, est-ce que tu peux pas nous mettre un clavier QWERTY? Parce que nous, on a l'habitude du clavier QWERTY. Oui. J'ai ajouté le QWERTY, le BEPO et le QWERTZ. QWERTZ, c'est en Suisse, si je dis pas de bêtises. Et le BEPO, moi, je suis un utilisateur de clavier BEPO. Donc, voilà, mais voilà, tu vois, c'est des améliorations que je fais petit à petit. J'ai des idées plus entre guillemets à long terme, mais c'est des idées. Alors, je préfère pas en parler parce que le problème c'est que si je dis une idée et qu'au final je la fais pas, voilà. Mais voilà, en fait, je réfléchissais à droite à gauche sur voir est-ce qu'on peut implémenter d'autres mécaniques. Tu disais quelque chose qu'on m'avait beaucoup demandé et que j'implémenterai jamais, c'est le fait de pouvoir jouer plusieurs mots dans la journée. Évidemment, ouais. Et parce que en fait, moi j'ai des gens qui font ah oui, mais tu peux ah c'est très frustrant et ainsi de suite. Et moi je pense que c'est quand même une mécanique importante, de fait d'avoir qu'un seul mot par jour. Carrément. Parce que, de toute façon, en fait, pour moi, c'est un peu la comparaison. Alors, je vais peut-être faire vieux boomer, alors j'ai que 30 ans. Mais pour moi, en fait, c'est un peu la comparaison de... Il y a un film qui passe à la télé versus il y a un film que j'ai disponible dans mon catalogue Netflix. Ouais, je comprends. Et en fait, sur Netflix, comme je peux le regarder n'importe quand, je peux toujours me dire, ouais, je vais le regarder plus tard et au final, finir par jamais le regarder. Mmh. Alors que un truc qui passe à la télé, comme tu sais que c'est un horaire fixe, une date fixe, en fait, c'est limite, tu vas t'adapter pour être devant ton écran, pour être le rendez-vous. Alors, je parle de la télé, mais en fait, c'est pareil sur les live Twitch, c'est pareil, quand t'as un événement qui est en direct ou à une certaine heure, en fait, ça t'oblige à t'adapter et à te dire je vais le faire maintenant parce que je sais que demain je pourrais plus le faire. Donc voilà. Ouais, je le comprends complètement. Alors, il y a d'ailleurs, on pourrait donner la réponse. Il y a d'autres jeux que Sutom qui reprennent la même mécanique, qui vous proposent de faire plein de jeux d'affilée, d'ailleurs, qui vous proposent d'en faire le plus possible. Encore une fois, je pense que si on parle aussi de Sutom, c'est parce que c'est le premier qui a vraiment, je pense, émergé dans la communauté francophone. C'était le premier. Et je pense que c'est un des éléments phares. Mais encore une fois, il y a ce lien social que je trouve fascinant à la pause café du midi où les gens se dise est-ce que tu as trouvé le sutome du jour. Je pense que c'est assez central, et s'il y avait plusieurs mots, ce serait pas forcément exactement la même donne. J'en profite de notre échange, Jonathan, je me donne un petit privilège de te proposer une évolution qui vaudra ce qu'elle voudra, mais c'est celle de masquer les lettres en cours pour justement pouvoir montrer à mes petits collègues en cours de journée en cliquant sur un petit œil. Tu sais, comme il y a des applications de compte bancaire où on peut masquer son solde, et ben là ce serait la même chose, on pourrait masquer les lettres et juste montrer là où on en est avec les couleurs. Mais bon, je te laisserai réfléchir. De juste avoir la grille mais sans les mots qu'on a proposés, sans avoir les lettres et juste les couleurs. Mais pourquoi pas, à voir. Faut que je réfléchisse. C'est en fait après c'est, on rentre dans des problématiques de faut pas que le design soit en fait, à force de rajouter 25 000 boutons, carrément, ça bien sûr, non mais il faut que ça reste simple, évidemment. Mais ouais, pourquoi pas, si je trouve un moyen, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un usage, alors vu que je suis en télétravail et que je vois rarement des gens, je sais pas, ce besoin là personnellement. Je peux le comprendre. Mais même, j'ai plein de situations, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent en ont plein aussi autour d'eux, où les gens masquent ce qu'ils sont en train de saisir sur leur smartphone pour pas qu'on voit. C'est assez rigolo. Bon, c'était le petit clin d'œil. Est-ce que tu as des projets ou des envies de monétisation autour de ce jeu? Bon, enfin, il y a plein de possibilités à explorer. J'ai l'impression, d'après notre échange, que c'est vraiment pas ta volonté et que ça reste un projet que tu veux être avant tout une forme de loisir et de divertissement, mais pour toi. Moi c'est pas quelque chose que je pense monétiser. Alors il y a deux raisons, déjà parce que si je voulais le monétiser, il y a un moyen simple, hein, c'est je mets un abonnement payant à 1 euro par mois qui permet de jouer à un deuxième mot du jour, c'est bon, hein, je pense que je vais pas dire j'ai double mon salaire, mais enfin je me fais un petit pécule par mois, hein, clairement. Non, c'est en fait je pense pas que monétiser c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est pas quelque chose qui me plaît, sachant que j'ai pas besoin d'argent, quoi. Enfin, j'ai un travail qui me rapporte assez de deniers par mois comme ça. Enfin, alors sauf si vous êtes mon manager, je suis clairement jamais assez payé. Donc vous pouvez m'augmenter, y a pas de problème. Si jamais ils écoutent l'épisode, ils auront l'info comme ça. C'est ça. Mais après, il y a aussi le problème qui est en fait un peu en lien avec les déboires juridiques. Eh oui, bien sûr. C'est à qui appartient réellement le concept. Mmh. Et en fait, cette question-là se pose sur Sutome, mais en vrai, se pose aussi sur Wordle, puisque en fait, on ne sait pas réellement ce qu'a acheté le New York Times. Exact. Est-ce qu'ils ont acheté le nom et le site? Est-ce qu'ils ont acheté le concept? Est-ce qu'ils ont acheté un peu un mélange des deux? Parce que oui, pour quelque chose qui est... parce que alors, d'après les communiqués, c'est entre 1 et 5 millions de dollars. Mm-hmm. C'est comme ça qu'avait communiqué le New York Times. Mais pour un truc qui fait plusieurs millions de dollars, c'est un peu flou exactement sur ce qui est dedans et ce qui n'est pas dedans. Et typiquement, dans Sutome, le nom, il appartient à France Télévisions. La charte graphique, elle appartient à... on sait pas trop, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la charte graphique, elle vient des Pays-Bas, mais elle est Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, à qui le jeu Lingo, il appartient à une société qui fait de la distribution, dont une société de production qui avait acheté les droits en France pour pouvoir tourner les émissions et les vendre à France Télévisions. Voilà. En fait, c'est tout un micmac juridique qui fait que, en vrai, je pense que si je le monétise, ça peut aussi m'attirer des ennuis. Mmh. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Mais c'est effectivement, d'autant plus quand on connaît tout le contexte que tu nous décris, j'imagine que ce serait effectivement hyper compliqué. Ouais. Ouais. Et puis pour compléter, enfin j'ai quand même des gens qui m'ont demandé en DM, est-ce que t'as pas un Tipeee, un PayPal, Patreon, ou que sais-je, ou un Patreon pour que je te puisse te donner l'argent. Moi je fais non, enfin pour ce coup-là j'en ai pas besoin. Si vous voulez donner à des associations qui en ont largement plus besoin que moi. Ouais, c'est chouette. Mais je pense qu'encore une fois, c'est cet état d'esprit de, et c'est vraiment pas péjoratif quand je le dis, mais de simplicité dans l'approche qui est aussi garant de son succès et de l'esprit positif qui en émane. Donc, moi, je crois que je sais plus comment il s'appelle, Josh Wardle, celui qui a créé Wardle, qui avait aussi un peu la même philosophie de protéger la vie privée, c'est-à-dire de pas mettre de pub et ainsi de suite. Bon, son discours tient techniquement jusqu'au moment où est-ce qu'il a revendu au New York Times. C'est vrai. Parce qu'après, bon, alors, bizarrement, une fois, depuis que c'est sur le nom de domaine de New York Times, il y a un peu plus de trackers sur la page. Bon, c'est un peu... Ouais, ils ont plus de stats au moins. Ouais, ouais, voilà, les coïncidences. Ouais, bien sûr. Bon, écoute, très bien. On va juste commencer aussi à aborder ensemble, peut-être, je ne sais pas s'il y a un avenir de Sutom, on l'a abordé, mais peut-être l'avenir de Jonathan, même si j'ai l'impression, là aussi, au travers de notre échange, que bah, Jonathan va rester le Jonathan qu'il est aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi peut-être qu'on se pose la question de l'adaptation de Sutom, parce que tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Comme il est disponible librement, le code source de Sutom, bah, y a peut-être eu des développements annexes, des utilisations spécifiques. Je me demandais même aussi si tu avais eu vent d'utilisation dans le domaine de l'éducation ou pour des personnes qui seraient en situation de handicap, des seniors, des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer notamment. J'imagine que la régularité et le travail que ça amène à faire au niveau de la réflexion peut aussi être vachement fructueux sur ces domaines-là. Je ne sais pas si tu as des échos là-dessus. Alors, dans le domaine de l'éducation, ouais, j'ai des échos puisque j'ai des profs qui, par exemple, jouent en classe. Génial. Avec leurs élèves, et en fait, ils se sont rendu compte que c'est à la fois un moyen de leur faire apprendre le vocabulaire, ou du moins que les élèves soient un peu plus rigoureux sur le vocabulaire, hein, puisque si on rentre des mots avec des fautes d'orthographe, ça marche pas. Ouais. Mais qui apprend aussi aux élèves à discuter ensemble, à prendre une décision de groupe, à accepter, même faire... Il y a par exemple certains profs qui demandent aux élèves « Est-ce que vous avez des propositions ?» et entre guillemets, à défendre leurs propositions en disant « Bah ouais, je pense que mon mot, il est mieux que le tien parce que mon mot, il a plus de lettres différentes. » Voilà, ou ce genre de choses-là. Donc, je crois que dans un contexte éducatif, ça marche pas mal. Dans un contexte d'handicap, j'ai pas eu d'écho. Parce que après c'est en fait comme c'est un mot par jour, c'est un peu ouais, effectivement. C'est un peu compliqué. Probablement que alors je suis pas médecin, je suis pas scientifique, donc ça se trouve ça fait rien, mais ouais, ça peut être utile quoi. Mais je sais que par exemple j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message qui me disait que Sutom lui avait permis, quand elle avait des crises d'angoisse ou ce genre de choses, d'avoir un point de focalisation et justement de pouvoir se calmer, par exemple. Ça m'étonne pas, hein. Effectivement, ouais. C'est compliqué, on va pas prétendre avoir des études rigoureuses sur le plan scientifique qui nous permettent d'établir des liens de cause à effet, mais bah, ça paraît assez évident que ce type de jeu, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, mais ce type de jeu dans sa mécanique doit aider effectivement sur plein de situations, j'imagine. Et donc ouais, après tu parlais des variantes. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de variantes. Alors il y a beaucoup de variantes qui partent dans plusieurs directions. C'est-à-dire que Wordle a fait beaucoup de variantes parce que au début les variantes de Wordle c'était les adaptations linguistiques. Mmh. Et en France on a le mot qui est une version purement française de Wordle parce que c'est les mêmes règles et ainsi de suite. On a Sutom qui est plus une adaptation française. Mmh. Et après, bon, on a plein de variantes avec des chiffres, des équations du deuxième degré, de la musique, des cartes et j'en passe. Sur l'aspect purement, on réutilise le code source libre de Sutom. Techniquement, ouais. Moi, ce que j'ai vu passer, c'est Mochou, qui est une version en marseillais. Ils sont allés jusque là, les bougres. Ouais, c'est deux personnes qui se sont dit, bah tiens, ici. Et en fait, derrière, bah, c'est un outil aussi de promouvoir le parler local, le dialecte local. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait le mot belge, ouais. Qui est une version avec, bah, pareil, mais. Belge. Il doit y avoir une variante bretonne, non, maintenant que j'y pense, non Alors, j'en ai pas vu passer. Ah, s'il y en a pas, ce serait étonnant, mais... C'est pas impossible, hein. Sutom.bzh. Par exemple. Alors oui, alors après, moi, ce que je demande juste aux gens, c'est si vous faites une variante de Sutom, d'éviter de l'appeler Sutom ou de mettre Sutom dans le mot, ouais. Pour éviter que... Oh bah déjà pour éviter d'avoir une lettre d'avocat un jour à la maison C'est mieux. et pour éviter en fait que ce soit un peu confusant parce que typiquement enfin on n'en a pas parlé, on peut en toucher deux mots rapidement. Sur les stores, il y a une version, il y a quelqu'un qui a fait une appli qui s'appelle Sutom. Ouais. Et le truc c'est que bah déjà moi j'y suis pour rien. De ce que j'en ai vu, ça n'utilise pas le même mot du jour, donc le principe de pouvoir partager avec les gens, bah, ça marche moins bien. Je crois que, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui essaye de surfer sur Ouais. la hype de Sutom, ce que personnellement je regrette, hein, puisque bon, autant Sutom a plein d'aspects positifs, autant ça permet aussi de voir l'aspect peu négatif de certaines personnes. Mais voilà, donc ne téléchargez pas l'application Sutom, c'est une copie. Mais pour en revenir sur les langues régionales, en fait, Sutom et les jeux de ce genre-là, ça peut aussi aider au développement d'une culture régionale ou de vocabulaire régionaux pour les faire perdurer, quoi. Alors après j'ai vu qu'il y avait aussi une version de Sutom où est-ce qu'on joue avec des révolutionnaires, c'est-à-dire il faut trouver le nom d'un révolutionnaire. Alors le site est rouge et noir, donc ça met bien dans l'ambiance, mais typiquement enfin c'est aussi une façon d'adapter le jeu, parce qu'au final en fait pour lancer une instance de Sutom c'est pas très compliqué, hein. En plus j'ai fait un petit mode d'emploi, mais c'est vraiment vous installez le jeu, bon, il faut s'y connaître un petit peu, mais vous installez le jeu, vous faites une liste de mots à trouver, et puis c'est parti, quoi. Je suis ébahi de savoir qu'il y a ces types de variantes-là. Oui. J'étais sur motchus.fr, là. Le mot d'hier, c'était bicouli. Terme familier et affectueux, généralement adressé à un enfant ou un homme. Exemple, mon beau bicouli, comme tu nous as manqué. Tu sais, sans toi, j'avais le cœur gonflé. J'adore. Excellent. C'est vraiment top. Et eux, en fait, ils ont fait une variante parce qu'ils ont modifié le système pour que ça affiche la définition du mot de la veille. Oui, effectivement, ouais, tout Voilà. à fait. Alors que moi, par exemple, j'ai décidé que bah déjà, ça demandait plus de travail parce qu'il faut aussi saisir les définitions. Et puis, bon, en fait, que ça reste quand même assez facile de rechercher. Enfin, autant sur une version marseillais, t'as peut-être pas les définitions qui sont disponibles, donc ça fait sens. Autant sur une version vraiment franco-français, bon, les gens peuvent, s'ils ont un mot qu'ils trouvent pas, peuvent chercher. Et je crois même que Emmanuel a un jour sur les mots qui sont un peu rares, genre il y a quelques jours, il y avait le mot multivers. Oui, effectivement, oui, il a donné du fil à retordre celui-ci, je peux te le dire. Et c'est bah en fait le multi, il y a beaucoup de mots qui commencent par multi, quoi. Et en fait le multivers, je crois qu'il avait regardé, il y a eu beaucoup de recherches de la définition du mot ce jour-là sur Google. Et en fait on peut même faire des stats comme ça, c'est-à-dire qu'on peut voir quelle région joue un peu le plus en fonction de la région qui a le plus recherché le mot ce jour-là. Donc, en fait, il y a des choses qui sont en dehors du jeu qui sont aussi intéressantes à faire et à regarder, quoi. Je suis sûr qu'on peut même faire des corrélations sur tel mot est moins connu dans telle région. Bah, tout à l'heure, je prenais l'exemple des Québécois sur un mot comme biclou. Je pense que si on regarde les recherches sur Google ce jour-là, je pense qu'il y avait beaucoup de recherches qui venaient du Québec. Oui, c'est pas impossible, effectivement, ouais, pour qu'ils essaient Voilà. de comprendre d'où ça vient. Ouais, excellent. Bon, il y en a plein, hein, des différents jeux de ce type, alors qu'ils sont basés techniquement sur Sutom ou pas. Il y en a vraiment une immense variété. Parfois même, certains diront il y en a trop et on y perd justement ce côté centralisateur du lien qu'on évoquait tout à l'heure, mais chacun voit midi à sa porte. Après, oui, je vois qu'il y a des gens, un mot sur Sutom, ça leur suffit pas, et qui font une dizaine de variantes Exact, par jour, quoi. ouais. Mais toujours pareil, en fait, c'est chacun joue comme il le sent, voire même, enfin, je sais pas si t'as eu écho de la ZLAN qui a eu lieu ce week-end, qui est un grand événement Twitch, une grande LAN sur Twitch, où est-ce qu'ils avaient une épreuve qui s'appelait Zutom. Ouais, Ah. C'est vrai. Voilà. Et en fait, il y a eu une compétition avec plus de 200 joueurs qui était diffusée sur Twitch où t'as eu 200 joueurs qui ont joué à une version modifiée de Sutom parce qu'ils devaient trouver des mots. Alors là, c'était plus, il fallait trouver une série de mots le plus rapide, en moins d'essais possible. Ouais. Sur une période de 10 minutes. Mais voilà, quoi, c'est aussi ça, en fait. Il y a plein de variantes, et puis il y a plein de gens qui jouent de façon différente. Et c'est cool. Ouais, c'est très cool. C'est cette émulsion qui est très possible. Est-ce que t'as un chouchou, toi, dans l'éventail de ces jeux-là? Autre que Sutom, tu vois, Katy? En vrai, alors moi, j'ai décidé d'en faire que deux. C'est-à-dire, je fais que le Sutom, parce que je connais pas, vu que je connais pas les mots, je peux jouer à Sutom. Bien joué. Et je fais le Wordle original. Ok. En fait, c'est les deux premiers. Je continue à faire les deux premiers. Après, j'ai vu. Alors, il y a des versions que j'aime pas. Typiquement, il y a la version où c'est faut trouver une musique parce que je suis juste nul en musique. Ah, et, je suis très mauvais aussi. Il y a vraiment des versions où c'est premier coup vous avez une seconde de la musique, deuxième coup 2 secondes, troisième coup 4 secondes et ainsi de suite. Alors il y a aussi des fois je me tente à faire un Wordle qui est en fait 4 Wordles en même temps. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est vraiment en fait quand on propose un mot, ça te propose sur 4 grilles de Wordle en même temps. Oh. Et du coup en fait on a 9 coups pour deviner 4 mots. Ah, c'est costaud quand même. Ouais, c'est assez intéressant. Mais est-ce qu'on peut le faire tous les jours, tu vois, en fait, c'est une série de 4 mots, pareil, quotidiennement. Alors, je crois qu'il y a même la variante à 32 mots en anglais. Ça va trop loin. Ouais, bah, au bout d'un moment, bon, on est là, on scrolle. Alors, où est-ce que j'en sais? J'ai vu, et puis même dans les variantes, il y a Semantics. Ouais, je voulais en parler, ouais. Si tu veux introduire Semantics. Ah non, mais c'est parce que justement, moi aussi, j'ai choisi de limiter mes jeux de ce type-là pour pas passer mes journées à réfléchir à ça. Mais il y a effectivement Semantics qui est lui aussi une adaptation d'une version anglaise. Alors, je sais pas lequel est arrivé le premier, mais il me semble que la version anglaise est arrivée en premier. Mais effectivement, ça se base sur, c'est donc Semantle en anglais et Semantics, C-E-M-A-N-T-I-X pour la version française, là. Et le principe, c'est qu'effectivement, ça se base sur des proximités sémantiques. Donc, ce qui bouleverse un petit peu les méthodes de recherche, puisque donc on va suggérer un mot et l'outil, le jeu va nous donner la proximité sémantique avec le mot à trouver dans la journée. Et c'est très très particulier parce que quand on cherche, par exemple, le mot grand, le mot petit peut être très très proche sémantiquement de grand. Et pour autant, il n'est pas hyper intuitif de penser à petit pour trouver grand. Donc, ça donne vraiment des choses qui sont pas évidentes. D'autant que les mots sont parfois pas forcément très évident à trouver parce qu'ils sont assez conceptuels. Mais moi, c'est un de mes chouchous parce qu'il y a cette phase exploratoire que tu commences et j'aime bien jouer à ça au fil de la journée. Tu vois, quand j'ai 2 minutes dans la journée où je vais me faire une pause, je reviens sur le sémantique du jour. Et donc, il y a une phase exploratoire du matin où tu as les petites émojis qui te montrent à quel point tu es froid, c'est-à-dire à quel point tu es éloigné d'un point de vue sémantique du mot à trouver. Et puis, à un moment, tu chauffes, donc tu as un émoji avec les lunettes de soleil ou un émoji qui a chaud. Et là, tu commences à cerner, tu te rapproches du thème jusqu'à ce que tu frôles parfois de très très près le mot à trouver. Moi, c'est un peu mon chouchou par les émotions qu'il crée, je trouve, chaque jour. Mais je pense que je suis... Il donne pas mal d'énergie à pas mal de monde, hein, celui-ci, quand même. Oui, mais alors après, inversement, moi je l'aime pas trop parce que je trouve que quand on arrive à la 100e ou à la 200e proposition, c'est peut-être que le jeu, bon, il est peut-être un peu mal équilibré ou il manque un petit truc, quoi. Parce que c'est ça aussi que. Bon, alors je prêche chez ma paroisse, mais Sutom, et même dans le Wordle original, le fait d'avoir un nombre de coups limité. Oui. Ça permet en fait rapidement d'entrevoir la fin et par exemple moi ça m'est déjà arrivé sur un Wordle de commencer à chercher et au bout d'un moment j'en ai juste marre et puis je mets un mot pour perdre au moins j'ai la réponse quoi. Ouais tout à fait mais voilà en fait je trouve que c'est important d'avoir le fait que je sais que la partie elle va pas durer indéfiniment alors que Semantics je trouve qu'il manque un bouton je dis pas abandon, mais quelque chose qui permet de guider un peu. Après, si on regarde bien, sémantique, c'est aussi un petit peu un peu l'équivalent du mot pyramide, du jeu exact. Pyramide, ouais. Où t'avais la manche, mais c'était en 3 briques, tu vois. Oui, là, il y a beaucoup plus de briques, quoi. Là, c'est en 200 briques. Alors, bon, ouais, c'est... on peut construire une maison à la rigueur, mais pour le Minervois, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Effectivement, sémantique, ça nécessite quand même un bon paquet d'essais. Et encore une fois, je pense que la bonne approche, si jamais vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est de se dire, allez, je le lance le matin, puis au fil de la journée, je fais des tentatives. Mais il y a d'excellents articles qui sont sortis sur le sujet, qui sont d'ailleurs très, très bien écrits sur les sentiments que ça occasionne. Le petit point quand même qui est positif dans sémantique, c'est que quand tu joues, tu sais qu'on te donne le mot de la veille. On te dit quel était le mot de la veille. Donc, si éventuellement tu as cette approche où tu te dis, bon, allez, je laisse tomber, tu peux te reconnecter le lendemain et t'as la solution qui apparaît. Je trouve ça rigolo. Mais il y a quelque chose de satisfaisant. Je sais pas comment dire, mais moi, il m'hypnotise un petit peu celui-ci. Donc, tu vois, je suis sutome et sémantique chaque jour. Et c'est vrai que sémantique, c'est aussi l'aspect de. En fait, le jeu est plus dur qu'un sutome ou plus dur qu'un Wordle. Parce que même sur un Wordle ou un sutome, techniquement, même si on connaît pas le mot, c'est-à-dire on n'a jamais entendu parler du mot, on peut quand même le trouver. Mmh. Et d'ailleurs, je crois même que dans le Motus à la télé, il y avait de temps en temps un mot qui venait par exemple du Québec ou de Belgique ou de Suisse, qui n'était pas connu des candidats, mais qu'ils arrivaient quand même à trouver parce qu'en fait la façon dont t'es fait le jeu fait que tu peux statistiquement arriver dans une situation où c'est peut-être un mot probable en français et puis ça passe, quoi. Mmh. Alors que sémantique, c'est vrai que comme tu peux vraiment partir très très loin, quand tu finis par trouver quelque chose, oui, t'es content. C'est vrai, j'avoue, ouais. Il y a quelque chose de gratifiant et de satisfaisant. Justement, ultime question par rapport au mot qui est défini dans Sutom, donc tu nous expliquais tout à l'heure comment c'était construit. Est-ce que, tu peux nous le dire quand même, est-ce que dans la liste, il y a des mots vicieux? Est-ce que ça fait partie des choix qui ont été faits dans la liste des 600 mots que tu nous as donné tout à l'heure? Des mots qui, vous le savez éperdument, à trouver, ils vont être vicieux parce qu'il y a l'accent, parce qu'il y a une lettre qu'on n'a pas l'habitude de suggérer et qui est assez crucial dans la décision. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non mais il y en a plein. Et puis il y en a déjà qui sont tombés, mais des fois les gens me disent ouais mais le mot est trop dur ou machin. Mais en vrai, c'est hyper compliqué de définir quelle est la difficulté d'un mot parce que ça va dépendre énormément des mots d'ouverture qui sont choisis. C'est-à-dire que si quelqu'un qui mettrait un mot un peu au hasard mais qui serait assez proche du résultat à chercher, même si le mot a des lettres peu communes genre un X ou un Y au milieu du mot, bah il finirait plus rapidement par le trouver que quelqu'un qui par exemple va jouer le mot d'ouverture idéal et qui au final va galérer parce que elle aura du mal à comprendre que en deuxième position il y a un X. Je pense au mot expert qui est tombé un jour. Et un mot qui commence par E et qui a un X ensuite, il y en a pas des masses. Exercice. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Mmh. Et après voilà, c'est toujours la difficulté, c'est assez variable. Même si les mots de 6 lettres, généralement les gens, les mots de 6 lettres, c'est ce qui est plus difficile, c'est le fait que au final, quand on a un mot de 6 lettres à trouver, on peut proposer que 5 lettres à la fois. Du coup, c'est plus difficile de parcourir l'alphabet et d'essayer d'éliminer le plus de lettres rapidement. Oui. Sur un mot long, là, on peut se permettre à des variantes un peu plus rigolotes parce que on a plus de mots qui. Je crois que dans la langue française, il y a plus de mots de 9 lettres que de. Non, c'est peut-être l'inverse. Mais en fait, sur un mot long, ce qui va être plus difficile, c'est déjà de trouver un mot qui fait exactement le bon nombre de lettres. Oui. Parce que moi, par exemple, j'ai aussi la frustration de quand il y a un mot à trouver à 9 lettres, on réfléchit à des bons mots et en fait rapidement on se rend compte, ah oui, mais le mot là, il fait 10 lettres, là le mot il fait 8 lettres. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Tu jongles avec les pluriels, les accords, mais ouais, voilà, mais des fois c'est un peu compliqué, quoi. Des fois l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure, longtemps EMPS dans un mot qui commence par L, il n'y en a pas des masses, ouais. Et c'est pas très évident à trouver. Le mot d'aujourd'hui fait 9 lettres, c'est tout ce que je vous dirais. De toute façon, vous l'aurez vu, puisque au moment où vous écouterez cet épisode, vous l'aurez probablement vu passer. Merci beaucoup Jonathan pour ton temps. Bon, merci déjà pour le développement derrière Sutom. C'est très cool de pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a dans les coulisses. Merci beaucoup pour ton temps pour l'enregistrement de cet épisode de podcast de Tech Café. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront découvert des choses, peut-être même découvert ce jeu qu'ils connaissaient pas avant. On va savoir. Il est grand temps que je te demande où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, où on peut te suivre, Jonathan. Oh, bon, on peut me retrouver déjà sur Twitter, @jonamat. On peut me retrouver de temps en temps sur Twitch, où parfois je code sur Sutom, parce que ça a commencé comme ça. Et après, on peut me retrouver par-ci, par-là, sur d'autres choses de façon sporadique, mais généralement, je les annonce sur Twitter. Donc on pourra te suivre sur Twitter @jonamat. Merci beaucoup en tout cas de ta dispo. Merci d'avoir répondu présent pour cet épisode de Tech Café. Je vous rappelle, si jamais le podcast vous plaît, vous pouvez aller déposer un avis sur les plateformes de podcast. C'est évidemment hyper précieux pour nous, que ce soit sur Podcast Addict, sur Apple Podcast ou même sur Spotify. Et puis je vous invite là aussi, si jamais le podcast vous divertit, vous informe, vous fait passer un bon moment, allez jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.